إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بعون الله تبارك وتعالى سنبدأ بقراءة كتاب مفيد المسمى بفضل رب البرية بشرح الدرر البهية لشيخ أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى وأصل الكتاب لشيخ العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة المسمى بدرر البهية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration, toute vérité ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, ayyuhal ikhwa, bismillah, nous allons débuter l'explication du livre Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous allons nous baser sur l'explication de l'imam al-Sheikh Muhammad bin Ali et al-Sheikh Abil Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli hafizahullahu ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc l'explication du Cheikh Ali Ramli est nommée فضل رب البرية, qui veut dire la grâce du Seigneur des créatures. La grâce du Seigneur des créatures. Donc, dans l'explication de Ad-Durar al-Bahiyya. Ad-Durar al-Bahiyya, Ad-Durar, c'est le pluriel de Durra, qui veut dire perle, perle ou bijou. Al-Bahiyya, Al-Jamila, Al-Hassan, ce qui est belle, ce qui est joli. Donc, dans l'explication de Masail du Fiqh. Donc, Biznillah, nous allons lire la muqaddima du Cheikh Ali al-Ramli hafizahullah ta'ala. Donc le Cheikh dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'du. Il dit toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière et la paix d'Allah soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit après cela فقد من الله علي بشرح الدرر البهية. إذن الله سبحانه وتعالى إمام فيه غراس d'avoir expliqué le livre Al-Durar Al-Bahiyya, الذي ألفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في الإمام محمد بن علي الشوكاني أيكري في الفقه الشرعي dans la jurisprudence islamique. Et dit, j'ai fait cette explication شرحا صوتيا. J'ai fait des audios. وسجلت. Ces audios ont été enregistrés. سجلت الدروس وفرغت. Ces audios ont été enregistrés et ont été retranscrits. Cela veut dire quoi? Il y a les audios du Cheikh. Quelqu'un écoute ces audios et il ne met pas écrit ce qui est dans l'audio. Donc, les étudiants ont profité de ces audios-là, bifadlillah, par la grâce d'Allah. Walamma ra'aytu an-nafa. Lorsque j'ai vu que le bénéfice était grand, dira Fad Hassan, et le bénéfice a été obtenu, yani les étudiants ont commencé à profiter du livre, وَالطَّلَبَةُ أَقْبَلُ عَلَيْهَا, et les étudiants ont commencé à se diriger vers ce livre, عَزَمْتُ عَلَى طَبَعَاتِهَا, donc j'ai pris la décision d'éditer le livre, كَيَعُمَّ النَّفْرَ, afin que le bénéfice soit plus grand. Diha biiznillah, par la permission d'Allah. Faqumtu bi muraja'at al-mufarraghat. Donc, j'ai commencé à réviser ce qui a été retranscrit. Fasahhaftu ma ihtaja ila tashih. J'ai corrigé ce qui a besoin de correction. Wazidtu wa hafaztu ba'd al-ashiya' allati la budda minha. J'ai ajouté et j'ai supprimé certaines choses dont il est impératif de supprimer ou d'ajouter. فَمِنَ الْمَعْلُومِ, ce qui est connu, أَنَّ الشُّرُوحَ, les explications as-sautiyya audio, لَيْسَتْ, ne sont pas كَالْمَكْتُوبَ, comme les explications écrites. وَأَشْكُرُ, et dit ensuite, je remercie كُلَّ مَنْ شَارَكَ, toute personne qui s'est associée, c'est Ikhraj al-Kitab, dans le fait de faire sortir le livre, à la nahwu alladhi huwa alayh, de la manière dont le Kitab est aujourd'hui, tous ceux qui se sont associés à s'entraider pour pouvoir m'aider à faire sortir ce livre-là, je remercie tout cela. Wa akhussu bi zikri, je spécifie en mentionnant kullan min, toute personne, parmi ceux que je vais citer leur nom. Abi Abdullah Ali Badani Al-Jazairi. Donc lui, il s'est associé à aider dans la sortie de ce livre-là. Abi Abdullah Ali Badani Al-Jazairi. Ensuite, Abi Zayd Riyad Al-Jazairi. Ensuite, Abi Huzaifa Mahmoud Al-Sheikh. Ensuite, Abi Hamza Muhammad Hazrallah. Et il dit ensuite, wa zawji, ainsi que mon épouse, Ummul Hassan, la mère de Hassan, Bintu Bassam Sadiq, la fille de Sheikh Bassam. Wa ghayrihim mimman sharaka fi tafrid al-kitab. Et d'autres personnes parmi ceux qui se sont associés à faire sortir ce livre-là. Donc, il dit, wa akhiran, et à la fin, as-salallah, je demande à Allah, an yanfa'a bihi, qu'Allah fasse profiter de ce livre-là, comme an yanfa'a bi aslihi, comme Allah a fait profiter de la base de ce livre-là. Quelle est la base du livre? Ad-Durraru Al-Bahiyya, de l'imam Shawkani. Wa yanfa'a biha, qu'Allah fasse que les gens profitent de ce livre. وَيَجَعَلْنَا إِكَلَّا نُمَتْ مِنْ دُعَاتِ الْحَقِّ, parmi les prédicateurs à la vérité, وَانْصَارِهِ, et les défenseurs de la vérité, إِنَّهُ قَرِيبُ الْمُجِيرِ, car il est celui qui est proche et qui exauce les invocations. Donc c'est écrit par Abul Hassan Ali Ibn Mokhtar Ali Ramli. Donc il a écrit cela le 25 premier mois 1436 de l'Hégire. Donc, voici la Muqaddima du Cheikh Ali ibn Mukhtar Aramli, Hafizahullah. Ensuite, Tarif al-Fiqh. Il va donner la définition du fiqh. Le fiqh, nous on traduit par quoi? La jurisprudence. C'est ça? La jurisprudence. Donc ici, le fiqh, l'oratem, dans la langue arabe, ou astilahan. Lorsque j'entends le mot al-fiqh, l'oratem, c'est al-fahm, c'est la compréhension. Qu'a-t-il Allah Ta'ala, Allah de Tirawi dit, قالوا يا شعيب او شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه يعني ما نفهم on ne comprend pas beaucoup de choses que tu dis. Donc ici dans le verset Allah nous montre que le sens du fait c'est quoi? Al-faham, la compréhension. Wa silahan, dans le jargon. Et c'est là, comment il parle à l'orfé, comment il parle à Edon, m'attafaqa alayhi al-qawm. C'est de quoi les gens sont d'accord dans un peuple, ou bien dans leur manière de parler. C'est ce qu'on appelle al-istilah. Donc ici, il y a l'istilah des fuqaha, des gens du fiqh, il y a l'istilah des usuliyyin. Les gens de Ousoul, il y a aussi l'islam des Al-Aqida, les gens de l'Aqida, les savants de l'Aqida. Donc ici, le cheikh il dit, يَخْتَلِفُ الْمَعْنَ الشَّرَعِي لِلْفِقْهِ عَنِ الْمَعْنَ الْإِسْتِلَاحِي عِنَّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ. Le sens shar'i de la législation du fiqh diverge du sens de cela chez les savants du fiqh ainsi que chez les savants de usul. Il y a d'abord le sens général du fiqh qui est connu. Il y a le sens du fiqh chez les gens de usul, les savants de usul. Il y a aussi le sens du fiqh chez les savants de al-fiqh. Donc cela diverge, l'un diverge de l'autre. فالفقه في الشرع le fiqh dans la législation معرفة كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى la connaissance de tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens du fiqh selon la sharia. الفقه في الشرع selon la sharia, voilà le sens du fiqh. سواء كان cette chose soit كان في العقيدة dans la croyance ou l'a'amal, ou bien les actions, ou l'akhlaq, ou bien le comportement. Aïe, kullama ja'a bihi nabi. C'est-à-dire, tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, la connaissance de cela, c'est le fiqh. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu iddin. Celui qu'Allah veut pour lui du bien, Allah lui donne la compréhension dans la religion. Al-fiqh huna ma'rifatu kulli ma ja'a, ma'rifatu kulli ma ja'a anillah. C'est connaître tout ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, hada ma'na al-fiqh huna. Wa amma al-fiqh, quant au sens du fiqh, inda al-usuliyyin, chez les savants de usul, c'est-à-dire les savants de usul au fiqh et autres, fa huwa ma'rifatu al-ahkami. C'est la connaissance des jugements à Sharia liés à la législation, à l'amalia et liés aux actions. Min adillatiha à travers ses preuves à tafsiliya, ses preuves détaillées. Voici le sens de fiqh chez les savants de l'usul. Donc, l'aqida, indahum laysat min al-fiqh. L'aqida chez les savants de l'usul, ça ne fait pas partie du fiqh. Ça ne fait pas partie du fiqh. وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ C'est le même aussi la connaissance des jugements de l'islam, des jugements de l'islam à l'amalia, lié à l'action, à l'étirurifat bidorura, qui est connu bidorura. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour connaître cela. Alamana, orifat bidorura. Ça, le il, il y a deux types de il. Il y a il, al-muktasab, wa ilmun daruri. La science obtenue est la science daruri. La science que tout le monde connaît, sans même avoir besoin d'apprendre. C'est ce qu'on appelle ilmun daruri. Kamarifat an-nar muhiqa. Comme connaître que le feu brûle. Est-ce que quelqu'un a besoin d'apprendre cela? Il n'a pas besoin d'apprendre, il suffit de le toucher avec le feu. Il comprend directement. Hada ma'lumu bidarura. C'est connu. Donc, il y a ilmul muktasab, la science qu'on obtient. Donc, ici, chez le savant usul, celui qui connaît les jugements de la législation liés aux actions, qui sont les jugements qui sont connus par tous les musulmans, katahrim zina, comme l'interdiction de la zina, de la riba. Tous les musulmans savent que la riba est interdit. Voilà où là, il y a ta'amoun. Même s'ils savent, ils connaissent, ils savent très bien que la riba est interdite dans l'islam. Donc, hada ma'ruf wa wujub as-salah, telle que l'obligation de la prière, fahadihi, connaître cela, c'est-à-dire connaître que la zina est interdite, savoir que la prière est obligatoire, savoir que la riba est haram, chez les savants du Kusur, la usamma'inda ba'dihim fiqhan. Chez certains, ils n'appellent pas cela fiqh. Chez certains savants du Kusur, ils n'appellent pas cela fiqh. Wa kadalika al-ahkam, c'est le même le jugement, allati urifat bi taqlid, qui sont connus par le taqlid. Ça va? Ils n'appellent pas cela fiqh. Par exemple, il y a le commun des musulmans, ils savent très bien que la prière, on fait beaucoup, on fait sujoud, on fait qiyam. Donc ils ont connu cela par le taqlid. C'est-à-dire, ils sont nés, ils ont trouvé que les gens prient comme ça. La yarifuna al-adilla amla. Ils ne connaissent pas les dalils. Donc, alil umru, on est par le taqlid. C'est connu par le taqlid. Donc, chez les savants du usul, celui qui connaît ces sciences-là, c'est-à-dire savoir prier, même si tu connais, si tu connais pas les dalils, c'est-à-dire bétaklid, alors chez eux, là, nous sommes, on n'appelle pas cela fiqhan indalba. Chez certains d'entre eux, on n'appelle pas cela aussi le fiqh. Ça va? Fala zalika, si on se base sur cela, le faqih, indahum, chez eux, chez les savants du usul, c'est qui? Le faqih, c'est qui? Man kana, celui qui a lahu milkatul istimba, qui a la capacité de faire le istimba. Le istimba, c'est quoi? C'est d'avoir un test, ou des tests, et tirer le jugement. C'est ce qu'on appelle al-istimba. Par exemple, il dit Aqimu Salat. Il s'assoit, il dit Aqimu Salat. Huna, fi wujub, amle sa fi wujub. Il y a une obligation ou pas? Donc directement, il dit Al-amru yaqtadi al-wujub. L'ordre ici implique l'obligation. Donc à ce moment, j'ai dit c'est obligatoire de prier. Hada istimba. Ça va? Ou bien, faire jam'u bayna an-nusus. Rassembler les tests où le professeur a interdit des choses et lui-même il a fait. Et faire le istimba. Comme par exemple, il a interdit à un homme de dépasser plus de 4 femmes. N'est-ce pas? Mais lui-même il avait combien? Il avait 11. Combien? Aïe. Comment je fais le istimba pour savoir si il m'a permis de prendre plus ou bien il ne m'a pas permis de prendre plus. Puisqu'il y a un test qui dit, lui dit de prendre 4, on ne dépasse pas 4. Mais lui-même, il a fait 11. Donc le fait d'associer tous ces hadiths-là, et retirer le jugement, dire que marier plus de 4 femmes, c'est propre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous les musulmans, ce n'est pas propre à nous. N'est-ce pas? Dans ce moment, on appelle cela istimbal. Chez les savants du Usul, celui qui a la capacité de faire cela, c'est-à-dire, innahu al-ala, il a l'outil, alati yatamakkanu biha, qui lui permet d'avoir la capacité, min istimbat al-akam al-shara'iyyat al-amaliyya, afin de tirer les jugements de la charia reliés aux actions, min al-adillat al-tafsiliyya, à travers les dalils détaillés. Donc, celui qui a la capacité de faire cela, wahiya adillatul kitab wa sunnah, les preuves du Coran et de la sunnah, wa indahu qudra, et il a une capacité à la istimali pour utiliser tilkal ala, cet outil-là, qui est le usul qu'il a pris. Utiliser ce fondement, ce usul fiqh, pour pouvoir retirer le jugement chez les usuliyin, il dit que c'est celui-là qu'on appelle al-faqih. Vous avez compris? Hein? Al-faqih dans l'usuliyin. Le faqih chez les usuliyin, c'est qui? C'est celui qui a la capacité de tirer le jugement à travers le Coran, la Sunna, dans ses preuves détaillées. Celui-là qui est al-faqih. Ou amma al-fiqh, quant au sens du fiqh, in al-fuqaha, chez les savants du fiqh de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi d'abord? La jurisprudence, c'est toute science qui est liée aux actions, pas au cœur. Le cœur, c'est la aqida, la croyance. Mais toute science qui est liée aux actions, telles que par exemple, al-wudu, les ablutions, telles que par exemple, la prière, telles que par exemple, le hajj, telles que par exemple, le siyam, ainsi de suite, dans toutes ces actions, c'est ce qu'on appelle le fiqh. La connaissance de ces actions, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Donc, les savants du fiqh, chez eux, le fiqh c'est quoi? Fahuwa ma'rifatul ahkami al-shar'iyya al-amaliyya. Ils ont la même définition au début avec les usuliyin. Ils ont la même définition au début avec les usuliyin. Ils disent que c'est la connaissance des jugements de la charia liés aux actions bi adillati at-tafsiliyya à travers ces preuves détaillées. Mais eux, ils ne mettent pas comme condition, la personne doit avoir la capacité de se battre comme les usuliyin. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils ne mettent pas comme condition. Savoir que la personne kana bil istimbat, que ça se fasse par l'istimbat, ou bi taqlid, ou bien par le taqlid, ou bi daroura, ou bien par la daroura, comme on a dit, kulluha dakhilatun fil fiqh. Ils rentrent tout cela dans le fiqh, contrairement au usuliyin. Contrairement au usuliyin. Donc chez eux, fa huwa a'ammu min al-fiqh bi ma'na al-usuli. C'est-à-dire, leur sens qu'ils donnent, c'est un sens qui est plus général que le sens de fiqh chez les usuliyin. Parce que les savants du usul, ils restreignent. Ils font restriction. Ils disent, tant que tu n'as pas la capacité de faire le istimbat, tu n'es pas faqih. Ça va? Mais chez les savants du fiqh, que tu aies la capacité ou que tu n'aies pas la capacité, tant que tu envoies un dalil propre qui montre que ça c'est obligatoire et tu mémorises ce dalil-là, t'as pour nous faqih. Hein? C'est faqih. Voyez. Par la zalika, si on se bat sur cela, man hafiza jumlatan, celui qui a mémorisé un ensemble, min al-ahkam al-shara'iyya, parmi les jugements de la législation al-amaliyya, lié aux actions al-waridat fil kitab wa sunna qui est venu dans le Coran et la sunna wa al-mujma alayha, donc il y a unanimité, yusamma inda al-fuqaha faqihan, on l'appelle faqih chez le fuqaha, les savants de fiqh, ils disent que c'est un faqih. Je reviens, celui qui mémorise un ensemble de jugements liés aux actions, je n'ai pas dit la aqida, liés aux actions et il mémorise cela en prenant du Coran et puis de la Sunna. Et où il y a consensus des savants, alors celui-là on appelle faqih. لكن هذا الحفظ من ست ميموريزاسيون حفظ طائفة من الأحكام الشرعية. C'est un ensemble. طائفة ici ça veut dire un ensemble de jugements de la charia. Par exemple, s'il a mémorisé l'obligation sur la prière, les dalils, les ahkam, les jugements de la prière, il mémorise aussi quoi? Les obligations, les conditions, les pliés, hein? Les ahkam sur le sabr, les jugements concernant le sujoud de l'oubli. Lorsque tu oublies dans la prière, tu dois faire qabla ou bien tu dois faire ba'da. Alors celui qui mémorise cela, chez les savants, ils appellent faqih. Chez les savants du fiqh, ils appellent faqih. Ça va? Donc, حفظ طائفة من الأحكام الشرعية, mémoriser un ensemble de jugements de la charia, غير متيسر للكثير في زماننا هذا. Ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes à notre époque. Non. يقرأون الكتب لكن لا يحفظون. Ils ne mémorisent pas. Hein? في زمان الماضي, les savants de l'époque passée, c'était des bibliothèques ambulantes. C'est-à-dire quand ils marchaient, ils avaient tous les dalil avec eux. وَرَجُلْ يَسْتَطِي أَنْ يَسْتَخْرِجْ الْأَدِلَّ التَفْصِيلِيَّ مِنْ ذِهْنِكَ. Ils peuvent sortir les adils التَفْصِيلِيَّ dans sa tête. Hein? Sans même se baser sur un livre. Parce qu'il a tout mémorisé. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les Al-Waqi'ah du Waqi'ah, lui ont posé la question. Si Masala, quoi, Asma'i wa Sifat, Bain al-Zuhri wa al-Asr, entre Zuhri et Asr, il a écrit Aqidat al-Waqi'ah. Min Zihni. Il était en prison. Qu'est-ce que tu as fait mal? لأنهم كانوا مكتبة. Ils étaient une مكتبة. Ambulant. Mais هذا, comme le chef le dit, غير متيسر. Ce n'est pas facile. للكثيرين في زماننا هذا. Pour beaucoup de personnes dans notre époque. Donc on ne peut pas les appeler faqih. On peut les appeler faqih. On peut les appeler. Il y a le fuqaha. C'est le chef Souleymane Mourouhidi. On l'appelle faqih le Medina. Car il préserve. Il n'accepte pas qu'on l'appelle comme ça. Lakin, dans le cheikh il dit ici, qala ba'du ahli al-ilm. Certains gens de science ont dit, absorbez la règle, écoutez très bien, fi ma'rifat al-faqih fi zamanina hadha. La règle pour connaître un faqih à notre époque, an yatamakkana, qu'il ait la capacité, min ma'rifat al-mawdi'i al-mas'ala al-fiqhiyya, qu'il ait la capacité de connaître l'endroit de la mas'ala al-fiqhiyya, qu'il ait la capacité de cela, de connaître l'endroit où on prend la mas'ala, hein, ma'rifatu mawdi' al-mas'ala al-fiqhiyya, une mas'ala al-fiqhiyya, yani c'est cela ou fi zakat, ou fi hajj, qu'il a la capacité de dire va dans Mourni, fi kitab ou keda, va dans Mounakab ou fiqhi, dans Fiqh Mouyassar, fi kitab ou keda, nusta, ha keda, c'est écrit comme ça, qu'il a cette capacité-là. Donc, on peut l'appeler faqih. Sinon, si on lui demande de mémoriser, comme les gens passés, ça va être une mouchkila. Ma bon, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, faïza tamakkana min dhalik, s'il a la capacité de cela, yakunu faqihan inda ba'd al-fuqaha. Il est faqih chez certains fuqaha. Walakin, le chef dit, alladhi yanalu fada'il al-warida bi ta'allum al-ilm. Celui qui obtiendra les mérites qui sont venus au sujet de l'apprentissage de la science, comme par exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va obtenir le mérite de l'apprentissage de la science, wa yahsulu ala makanati ulama, et qui va obtenir la place des savants, wa fada'ilihim, et le mérite, wa narju lahu, et qu'on espère que cette personne-là, an yushara khalfa Mu'adh bin Jabal, qui soit ressuscité derrière Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal, tous les savants des autres communautés seront ressuscités derrière Mu'adh. Ou Mu'adh khalfa Nabi. Mu'adh sera derrière le principal prophète sur la scène. Tous les savants de cette communauté seront ressuscités derrière Mu'adh. Nasallallah an yushara khalfa Mu'adh. Voilà, parce qu'on sort ressuscité derrière Mu'adh bin Jabal. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, « Kana Mu'adhan ummata, umma. » De la même manière que cela a été dit à Ibrahim dans le Coran, « Kana Ibrahim umma, qanitan lillah. » Ibn Mas'ud disait la même chose pour Mu'adh. Umma, yani imam. Mu'adh est un imam. وهو أعلم الصحابة. Il est le plus savant des compagnons بحلال والحرام. Mu'adh bin Jabal. Il est le plus savant des compagnons du halal et du haram. Mu'adh. Voilà pourquoi les savants seront ressuscités derrière Mu'adh. Ils seront derrière Mu'adh bin Jabal. Donc le chef il dit, c'est-à-dire, on espère qu'il soit resté derrière Mu'adh bin Jabal, celui qui va obtenir le mérite de l'apprentissage de la science et le degré des savants et leur mérite, et qu'on espère que cette personne soit restée derrière Mu'adh bin Jabal, c'est Huwa man haqqaq al-ma'n al-shari'i al-fiqh, celui qui a concrétisé le sens shari'i al-fiqh. Ce n'est pas le sens, le sens au sunni, ce n'est pas aussi le sens. Les fuqaha, fuqihi, hein? Là. Le sens charri, c'est quoi? Non? Kullu maja'a, ma'arifatu kulli maja'a, bi fi kitabillah wa sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Qala, parce que nous fassions partie de lui. Wa kana, et ce n'est pas fini. Wa kana amilan biha. Il applique cela. Bien sûr. وَأَمَّا الْإِسْتِلَاحَاتِ Quant au jargon, c'est-à-dire إِسْتِلَاحُ فُقَهَا إِسْتِلَاحُ سُمِيِّينِ hein, du fiqh, فَلَا يُبْنَ عَلَيْهَا حُكْمُ شَرِي. On ne parle pas de حُكْمُ شَرِي sur l'إِسْتِلَاحُ. Ça va? Le jugement de la législation sur l'إِسْتِلَاحُ. فَإِنَّمَا هِيَ لِتَقْرِيبِ الْعِلْمِ فَقَدْ Ces إِسْتِلَاحُ sont venus pour juste rapprocher la science. Pour les gens. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est l'islam, le fuqaha, la sunna, malaysa, le wajib, on te fait rentrer dans la prière, on te dit, voilà les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que c'est obligatoire. Donc, voici. Donc, c'est pour juste rapprocher la science. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Wa yu'addu al-fiqh ghayatan. On considère le fait comme un objectif. بِالنِّسْبَةِ بِالْعُلُومِ الْعَالَى Selon les sciences, outils. Le fait, c'est comme un outil qui te permet de connaître ce qui est obligatoire du Coran, de la Sunna, et puis de ce qui est, yani, avec les dalils détaillés. Qui te permet de connaître cela avec des preuves détaillées. Donc c'est un outil. وَسَمَرَتُهُ est le bénéfice. Le fruit du fait, c'est quoi? Al-amal, la mise en pratique. Fala yasihu amal min ghayri ilm. Une action n'est correcte qu'avec la science. Une action sans science n'est pas correcte. Ça va? Fawajibun ala kulli muslim. C'est une obligation pour tout musulman. An yatafaqqa qabla an ya'mal. Il doit apprendre avant de pratiquer. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pratiquent avant de chercher à comprendre. Quand tu lui dis, il vient avec une action. Tu lui dis, c'est pas permis, il dit Dalit. Pourtant, c'est lui qui doit t'envoyer Dalit. Hein? Pourtant, c'est lui qui doit te donner Dalit sur son action. Combien? Il lui dit, c'est pas toi. Il te dit Dalit. Non. Ici, ça vient de Shaukan. Il va juste faire une petite biographie de l'imam à Shaukan. L'imam Shaukan est moi, Abu Abdillah. Sa kunia, c'est Abu Abdillah. Ou Abu Ali. Ou bien Abu Ali. Mohamed Ibn Ali à Shaukan. Mohamed, c'est son nom qui est Mohamed. Son père c'est Ali Ash-Shawkani, Summa Sun'ani. Min ulama du Yémen. Il fait partie des savants du Yémen. Des savants du Yémen. Il est né, Wulida fi Am Salat, wa Tis'in, wa Mi'a wa Alf, en 1173. Wamata, il est décédé en 1250. Il a eu combien d'années? 1673-1250. Hein? Il a eu 67 ans? Oui. Dans le fuqaha al-muhaddithin, il fait partie des fuqaha al-muhaddithin. Muhaddith en même temps faqih. Il a plusieurs écrits. Min Ashwuriha, parmi les plus célèbres, c'est Néoul Autar. Il charge Muntabal al-Akhbar. Muntabal al-Akhbar. Et Wakidabu Had. Il y a ce livre-là aussi, Adurabu al-Bahiyya. Washarahu. Il a aussi expliqué Adurabu al-Mudiyya. Il a expliqué aussi ce livre-là, Midirar et Moudiya. Non. Ensuite, Azura al-Bahiyya, le Cheikh Ali Rabi dit, Azura, Jamu Durra, Durra, Waïa al-Lulu, c'est la perle, al-Azima, qui est Iman al-Kabira, la grosse perle. Ça va? Comme on dit diamant et autres. Ça va? Al-Bahiyya al-Hassanatul Jamila. Ce qui est beau, ce qui est belle et ce qui est joli à voir. Donc il a nommé cela Ad-Durarul Bahiyya. Les avants, Jara'adatouhoum, c'était leur habitude de nommer un livre pour plus attirer Al-Qurra, pour pouvoir lire. Comme ils disent, voici une belle perle. Si vous voulez une belle perle, venez lire ce livre-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ils attirent par la nomination du livre, par un beau nom. C'est pas comme les Ahlul Batil, ils nomment leur shirk par le beau nom. Pour pouvoir attirer les gens. Ou bien ils nomment leur bid'a par le beau nom, leur innovation par le beau nom. Les savants de la Sunna, ils nommaient leur livre pour attirer l'attention déjà si ce qui implique ce livre-là. Tel que par exemple le livre Abdurab al-Bahiyya. Ça va? Donc, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il commence par la basmala. Il dit المؤلف بالبسمله. L'auteur du livre, il a commencé par la basmala. La basmala, c'est quoi? Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Hada musamma bil basmala. Wa yusamma aydan bil basmala bismillah. Faqat. Hein? Bismillah. Qala al-mu'allif. Donc, le mu'allif, il a commencé par Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le cheikh, il dit, il a commencé par la basmala iktida'an, en imitant bi kitabillah. Il a imité le livre d'Allah, il a suivi le livre d'Allah, wa bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a imité le livre d'Allah? Parce que toutes les surahs, ma'ala surat al-Baqarah, toutes les surahs commencent par la basmala. Donc il a commencé son livre par la basmala, suivant ainsi le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم commençait ses écrits, les lettres qu'il écrivait par la basmala. Min duni alhamda. Il ne venait pas avec la hamdala. Il venait avec la basmala dans ses écrits. Ça va? كما في كتابه لهرقل عظيم الروم قم سكيل إجريل أهرقل لروى دارومين إلى إجريل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم إذي يكمان على عبد البصمالة على لكم فلن نصر البخاري يكمان par la basmala, et puis il dit min Muhammad. Il dit cette lettre vient de Muhammad à Hiraqil. Ça va? Muhammad bin Abdullah à Hiraqil, qui est Azim al-Rum, c'est-à-dire la tête des Romains. Donc ici, wa amma fi khutabihi, quant à ses serments, yani al-Mukalama, le khutab qu'il donnait, fa kana yabda'u bil hamd. Il commençait par la hamd. C'est un savant vu que si tu lis le livre, c'est-à-dire que si tu lis le livre, c'est vrai, le livre est devant toi. Tu veux lire un livre, commence par la basmala. D'autres ont dit cela. Parce que c'est un livre que tu es en train de lire. Mais quand au khutab, tu as les serments, tu t'arrêtes, tu commences directement, inna alhamdulillah. Ça va? Tu ne commences pas par la basmala. Mais quand tu donnes un cours, même si c'est oral, c'est un livre que tu lis. Donc tu commences par la basmala. Voilà qu'il cherche Suleiman al-Ruhaydi, Hafizahullahu ta'ala, dans son explication de Sourate Salata sur la basmala, il dit là. Il dit on commence par la hamdala, tout ce qui est parole. Voilà. Quant à tout ce qui est écrit, on commence par la basmala. Donc ici, non. Waman al-basmala, le sens de la basmala on a ici, c'est-à-dire aktum musta'ina billah zirrahma. J'écris ce livre en demandant l'aide d'Allah, Zirrahma, celui qui a la miséricorde, celui qui est miséricordieux. Summa qala rahimahullah. Ensuite, l'auteur du livre l'a dit, Ahmadu man amarana bittafakur fiddin. Voici sa muqaddima. Voilà la muqaddima du Cheikh Imam Ash-Shawkani. Il dit, je loue celui qui nous a ordonné de faire quoi? De chercher la compréhension dans la religion. Je loue celui-là. Allahi amarana bitafaqqu. Celui qui nous a ordonné d'apprendre le din, d'apprendre la science, fi din, huwa Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui nous a ordonné d'apprendre, n'est-ce pas? Faqala subhana, Allah le Dreoui dit, wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffa. Il dit, les croyants ne doivent pas tous sortir. Voilà, déjà, du surat de Tawba. Il ne doit pas tout sortir pour aller faire le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas tout sortir. Ça va? Donc, le djihad ici, c'est un fard, aïn, ou bien, kifaya. Donc, sinon, si c'était aïn, tout le monde allait sortir. Ça va? On liyamfiru kafa. Et Allah dit, falawla nafar. Il avait un clan, un groupe. Min kulli firqa. De chaque groupe musculaire de personnes. Minhum ta'ifa. Qu'il y ait un petit groupe. Ta'ifa, c'est un petit groupe. Liyatafaqahu fid-din. Afin d'apprendre la science de la religion. Wal yunziru. Et afin d'avertir. Qawmahum. Leur peuple. Ida raja'u ilayhim. Lorsqu'ils se retournent vers le peuple, la halle d'Abu Yahzaroun, afin que cela puisse prendre garde. Hein? Donc ici, voici le verset qui montre que c'est Allah qui nous a ordonné d'apprendre la science. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilm, la recherche de la science, faridatun ala kulli muslim, est une obligation pour tout musulman. C'est à dire, vient là, Ibn Majah, c'est à dire, de Anas. Mais il y a une autre riwaya de ce hadith qui vient, qui dit talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Wa muslima hadha da'if. Hein? C'est da'if. On n'ajoute pas cela. Faridatun ala kulli muslim ala sabil al-umum. Les femmes rendent des âmes. Ala sabil al-umum. Quand il est musulman, c'est tous les musulmans, les femmes, les hommes. Ou bien, est-ce qu'on a besoin de dire musulman et la musulmane? On n'a pas besoin. Hein? Donc ici, wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wahyum min Allah. C'est une révélation venant d'Allah. Hein? Fa amruhu, l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, amrun min Allah. C'est un ordre qui vient d'Allah. لأن الله تبارك وتعالى قال قال الله تبارك وتعالى يدي وما ينطق عن الهوى إن البرنسيين سلفت للأفاتيان إن هو إلا وحي يوها سنك إن ريفيلاتيان فالفقه في الدين الفقه دل الرليجيون يشمل علم العقيدة الفران لسيان دل العقيدة وعلم الفقه ainsi que la science du fiqh wa ilm al akhlaq, la science des comportements wal adab et des bonnes manières. Donc yahmal al muallif, l'auteur du livre, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, il loue Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas? Wa qad ajala an qawlihi ahmadu Allah tabaraka wa ta'ala, il a délaissé le fait de dire أحمد الله تبارك وتعالى عدل شنو يقول لي أحمد الله تبارك وتعالى ميلا جلسي سنان بيزان أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين جلو سلي كي نوزا أردوني لشاشي لاتيان دي لا ريليجيون بوركوا ما حمده لله في بداية التاريخ malgré que il a fait le hamd au début du livre n'est-ce pas طيب إشارة منه رحمه الله أن فزانت مقدمة كي أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين أن فزانت cela il veut indiquer il a موضوع الكتاب il veut indiquer le sujet du livre voilà pourquoi il a demandé أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين pour indiquer ici que on va parler de fiqh ça va. Les savants, ils appellent cela Bara'atul Istighlal. Bara'atul Istighlal. Ifadmar. Bara'atul Istighlal, c'est de faire une muqaddima. Et dans la muqaddima, tu présentes le sujet. Ça va? Tu présentes en même temps le sujet. Tu dis un mot qui indique vers le sujet du livre. C'est-à-dire ce que tu vas dire dans le livre ou bien ce que tu vas dire dans ta khutba. Ça va? Non. Wahiya, barat al-istihlal, c'est quoi? An yuqaddim al-musannif. Que l'auteur du livre fasse dans la muqaddima fi dibajat kitabi. Yani, dans le début, aïfi fatiha di kitabi. Dans le début de son livre, jumlatan. Une phrase, min al-alfaz, parmi les mots, yushiru biha ila mawdu kitabi. Il veut par cela montrer le sujet de son livre. Mabou? الحمد le hamd ici, Ahmad, le hamd, as-sana'u ala al-mahmoud, bi-jamili sifatihi, c'est l'éloge, si celui qui a été loué par ses plus beaux attributs, wa fa'alihi, et ses noms, ma'al mahabbati, avec amour, wa ta'zim, et respect, immensification. Parce que quelqu'un peut louer Allah, mais on l'a forcé à le faire. Ça va? Donc Allah a voulu le ham. Le ham, il doit le faire mahabbatan par amour ou à ta'zim. Ça va? Wa yakunu hadha sana'u, et cette éloge se fait avec quoi? Bil qalbi wal lisan. Dans le cœur, avec la langue. C'est ce qu'on appelle alhamdu. Ça va? Qala rahimahullah. Wa ashkuru. Et je remercie man arshadana, celui qui nous a guidés, il a tibai, à suivre sunani seyyid al mursalin, le sunna du maître des messagers. Hada shukru min al muallif. Ce remerciement vient de l'auteur du livre, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Fa innahu huwa man waddaha. وبين لنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا باتباعه. Il dit ça, il est celui qui nous a clarifié, c'est-à-dire Rasoul صلى الله عليه وسلم. Voilà. Qui a clarifié et éclairé pour nous la voie de son messager et nous a ordonné de suivre. Ça va? ولعل المؤلف, le chef dit, il se peut que l'auteur du livre يشير بذلك إلى أن كتابه الفقهي في son livre du fiqh هذا سيكون مبينا أو مبنيا, ce livre sera basé على الكتاب والسنة sur le Coran et la Sunna. فإنه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية, et aussi il n'a mentionné dans ce livre, voilà pourquoi nous avons choisi ce livre, il n'a mentionné dans ce livre parmi les masaïs, il a l'été sahha daliluha, que ce que son dalil est authentique. Ça va? Indaw, chez lui, Shawkali. Ou ajma alayya al-ulama. Ou bien les savants sont unanimes. Il a mentionné les masaïs où il y a l'unanimité des savants. Ça va? Fa'inahu lam yadhkur fihi min al-masaïl al-fiqhiyya, afwan. Wa taraka من المسائل إلى لسيد المسائل ما استنبطه العلماء استنباطا سكين السامان هم فل استنباط c'est-à-dire on discutait, on fait l'estimbat, deux sont pas d'accord avec l'estimbat, deux sont d'accord, il a délaissé ces masaïls-là. Ça va? Aïe, al-masaïl ishtihadiyya, c'est-à-dire les masaïl ishtihadiyya, il a délaissé. Hein? Les masaïl concernent les formes d'interprétation. Ensuite, le chef Ali Ramli dit, فقد حاول رحمه الله, il a fait l'effort, qu'Allah lui fasse miséricorde, أن يسير على طريقة أهل الحديث الفقه. Il a fait l'effort de marcher sur la voie des gens du hadith dans le fiqh. الذي تقدم الكتاب والسنة, la voie des gens du hadith qui devance le Coran et la Sunna à la cour du shaykh. C'est tout chose, ma etibarihim les ma'ani, en considérant les sens. Non, c'est très important. Parce qu'il y a plusieurs madrasas. Wadi madrasa tun min madaris al-fiqh. Voici une madrasa, c'est une école, parmi les écoles de jurisprudence. Il y a des écoles de jurisprudence qui dévancent le raï, l'opinion. Il y a aussi des écoles de jurisprudence qui dévancent le aql. Il y a aussi les écoles de jurisprudence qui dévancent le Coran et la Sunna. Même si le Raï contredit le Coran et la Sunna, et ils prennent le Coran et puis la Sunna. Et Wahia Awar Madrasa. Cette madrasa qui dévance le Coran et la Sunna est la première des madrasa, première des écoles. Wahua Aksar Madrasa. Et c'est parmi les madaris, c'est la madrasa qui tu'azzimul kitab wa sunnah, qui respecte plus le Coran et la Sunna, qui immensifie plus le Coran et la Sunna, mais ça n'est pas de sahiha, par une voie correcte. وذلك لأنهم كأكثر أخذوا هذه الطريقة إذن بريتك وراء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكمبانيو دي مساجد الله صلى الله عليه وسلم ومن المدارس الفقهية أيضا فمن المدارس الفقه إليا مدرسة مدرسة أهل الرأي سلا مدرسة للزيجان للأوبينيون كمذهب أبي حنيفة مذهبه كان مبنيا على الرأي وهو الإسلام انقسم إلى فريقين ils sont divergés en deux groupes concernant Abu Hanifa. Certains d'entre eux disent que Abu Hanifa n'était pas parmi les Ahlus Sunna parce que dans un mazhab al-fiqhiyya la yuqaddim al-kitab wa sunna. يقدم الرأي الدبان للرأي وهذا كان عادته c'était son habitude. Donc مدرسة أهل الرأي وهذه تلك مدرسة تعتمد على رأي il se base sur l'opinion كثيرا beaucoup de fois في بناء فقهها dans la construction de sa jurisprudence بل يصل le chef dit au contraire même يصل الحال la situation les amène même بالبعض de certains parmi eux إلى تقديم الرأي على النقل de devancer le رأي sur les tests ça va أي على الكتاب والسنة devancer le رأي même sur الكتاب والسنة ومن هنا جاء زم السلف للرأي c'est pour cela que les salafs ont blâmé le رأي l'opinion l'opinion d'un tel Si c'est basé sur le Coran et la Sunna, alhamdulillah. Mais si c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, n'arrête pas. On refuse. Quel est n'importe quel, qui qu'il soit, n'est-ce pas? Voyez, c'est très important, aïe le quoi, de comprendre cela. Donc, le chef il dit, wa ta'ajjaba, wa ta'ajjubuni kalima, aïe tu'ajjibuni kalima. Il dit une parole. M'impressionne. قال الإمام أوزاعي إن بركة دي الإمام أوزاعي رحمه الله في بعض أهل الرأي au sujet de certains gens de l'opinion. Il dit قال الإمام أوزاعي il dit ما نقمنا على فلان أنه يرى On n'a pas reproché à une telle personne parce qu'il a une opinion. Là. Il dit كلنا يرى Chacun d'entre nous a des opinions. Lakin. Allahu Akbar. Kuluna yara. Est-ce qu'il veut dire opinion de l'État de Kouban et la Sunna? Là. L'opinion ici, ça prend le qiyas. Inda Dorura. Ça va? Dans l'imam Zahouzah, il dit. كلنا يرى يشير إلى أن القياس يبدك القياس وسمال الرأي يتلزم الأوبينيون في حال الضرورة دل كاد فوت مجار كلنا نحتاج إليه نتصنع بذن إذا قلنا نلا الضرورة كلنا يرى لكن هذا عند الضرورة ما ده عند الضرورة for example أكل الخنزير Il n'a d'orouba. Le fait de manger le porc, lorsqu'il y a d'orouba. Ah, ça peut arriver. Ou bien. Mais, les gens vont dire, je s'abrigoune à Les gens vont dire, mais ça, c'est impossible. On est en ville. Ah, non, non. Il y a des moments de guerre. On ne trouve pas à manger. Et tu vas tomber. S'il a bien du porc. Tu fais quoi? Donc, en ce moment, si tu as besoin de cela pour vivre, tu fais quoi? Il n'a pas de Ou bien, à Doruya, tu viens où? À Les Doruya autorisent quoi? Ce qui est interdit. Ça va? Par exemple, tu es dans le désert. Tu as perdu ton eau. Il n'y a rien. Tu es en train de marcher. 500 km devant toi avant d'arriver. Il s'est dit, 500 km là, je vais mourir en route. Et puis il y a un avion qui passe, on jette une bouteille de Drouba. Hein? T'as qui pour tomber quoi? Il va pas. Ah, la zone là. Oui, pour ça. Ça, ça va pas. Allah vous non, 40 fois de l'île. Donc ici, Inna Zorura, on va vers cela. Inna la yujad. Écoutez la parole du chef. Il dit qu'on ne trouve pas une mas'ala. Dans une mas'ala. Kitab, on ne trouve pas de dalil dans le Coran. Voilà sunna. Ni, on ne trouve pas de dalil. Voilà dans la sunna. Voilà ijma, ni le consensus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va vers cela maintenant. Voilà pourquoi l'imam Aouda il a dit cela. Voilà kinnana, il continue, il dit voilà kinnana naqamna, on reproche alayhi. Cette personne-là, anna ou yaji ul hadith. Qu'un hadith lui vienne anil nabi sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa yukhalifu ila ghayri. Il contredit le hadith pour aller vers le raï de quelqu'un. Voilà les reproches qu'on a fait. N'est-ce pas? Inkar. Hunajal Inkar. Et c'est en ce moment que les salafs ont commencé à déprécier maintenant le raï, l'opinion. Parce que l'opinion vient, le Coran vient, la Sunna vient, ils élèvent le Coran et puis la Sunna pour aller vers quoi? L'opinion. Ça va? Et c'est ce qui est interdit à Adwal Ikhwa. Musibatun an tatruka al-kitab. Il dit c'est une musiba, c'est un malheur, une catastrophe que tu délaisses le Coran wa sunna et la sunna wa tuqaddimu ra'yak et tu devances ton ra'y. Hada dhalal, c'est un égarement. Wa ayyuma dhalal, et quel égarement? An talwiya anaq an-nususi. Tu veux talwiya, c'est-à-dire tourner le cou des têtes. Hein? Tu tournes le cou. Que yatamasha ma'ara yikawa'adu. Afin que ça puisse aller avec ton opinion et ta raison. Hein? Kama yafalu kathirun min ahli al-ahwa al-yawm. Comme le fait beaucoup parmi les gens des passions. Tu l'envoies un test et tu te dis, bon, ok, oui. C'est vrai, à l'époque du prophète, ils ont compris comme ça, mais nous, on n'est pas dans le même contexte. On ne peut pas le comprendre de la même manière. Hein? Il te jette comme ça, il choua. Mais c'est facile. Parce que, Rasoul sera le samedi, Allah dit dans le Coran, Al-Yawm Al-Mahdoulakoum. Donc, je ne peux pas envoyer quelque chose qui n'a jamais été dit. N'est-ce pas? Donc, هذه مدرسة ثانية. Voici la deuxième madrasa. تسمى عند الفقهاء. On appelle cela chez les فقهاء مدرسة أهل الرأي. La madrasa des gens de l'opinion. من أئمتها parmi leurs imams. La madrasa des gens de l'opinion parmi leurs imams il y a Abu Hanifa wa Talamizi. Wa Talamizi. Abu Hanifa et ses étudiants. Ses élèves. Voilà pourquoi le chaque mois de Ramadan, lorsqu'on allait sur Zakat et Fitr, les gens qui veulent suivre leur passion, ils vont se baser sur ce qu'Abu Hanifa a dit, tu vois, et dans Zakat et Fitr, Nakdan, hein, le fait de donner un argent. Abu Hanifa, Akhtaouna, il a fait une erreur. L'imara, parce qu'il est venu avec le rail, après le test. Le test dit, à la source de l'Islam a donné, en quoi? Hein? En nourriture. Lui, il avait qu'il y a. Lui, il dit, quoi? La nourriture, le maksoud, c'est la nourriture. Donc, si on donne l'argent, ça peut remplacer la nourriture. Alors, qu'il y a? La qiyas a inda wujud dalil. Il n'y a pas de qiyas lorsqu'il y a dalil. Ça va? Dalil, vous savez, on se soumet au peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui disent cela, ils n'ont qu'un dalil, c'est pas sur la parole de Abu Hanifa. Ça va? Mais on a vu aussi certains aussi qui ont commencé à donner des fatwas pour dire qu'on peut donner des zakat sur un hamburger, un truc, hein, un pizza ou un ketchup. Hein? Il y a un des mêmes imams ici qui dit, ils sont en train de réfléchir, mais ils vont donner un karma. Alors, ce sera ce qu'on dit de donner, bourre, mais chahir, chahir, ou bourre. Il a donné les caractéristiques. Tout ce qui est en bout. Donc, c'est Amr Moussalam, il croit. As-salallahu alayhi wa sallam. Donc, Amr Madrasatu Ahl al-Hadith, on va terminer cela avant de faire le hasard. On n'est plus pas du temps. أما مدرسة أهل الحديث كانت المدرسة لجن الحديث فإمتها فاميلة جمام écoutez كانت المدرسة لجن الحديث فاميلة جمام هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم وإمة التابعين et les imams des tabi'in كفقهاء المدينة السبع tel que les فقهاء de Médine les sept فقهاء de Médine. Parmi eux, il y a Saïd ibn Musayyib, Tabiri. Saïd ibn Musayyib. Urwatu ibn Zubayr, deuxième. Ensuite, Al-Qasim ibn Muhammad, troisième. Khariyatu bint Zayd, ibn Zayd, quatrième. Abu Bakr Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham, cinquième. Suleiman ibn Yassar, sixième. Et puis il y a Ubaydillah, Utba ibn Mas'ud. Voici les sept fuqaha de Medina qui ont été choisis par qui? Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz. Les fuqaha de Medina. Et ajouté à eux maintenant, parmi les tabi'in, il y a qui? Al-Hassan al-Basri. Ça va? Pour Mohammed ibn Sirin. Voilà les savants du Madrasa al-Hadith dans le fil. Wa kadhalika fuqaha biladihim fi azmanihim. De même, les savants de leur époque, dans les savants des différents pays dans leur époque. Kal Awza'i bi-Sham. Awza'i, il était le savant du Sham, les Ahl al-Sham. ومالك ابن أنس إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الإمام لمدين والليث بن سعد في مصر الليث بن سعد عن إيجيبت وعبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك في خراسان خراسان والثوري في الكوفة الثوري الكوفة وابن عيينة في مكة ابن عيينة أب مكة ومنهم الأئمة الثلاث فمن غير يرسل الإمام مالك وشافعي وأحمد أما أبو حنيفة لا كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث tous ceux-là ils font partie des imams des gens du hadith كانوا يعظمون الكتاب ils plaçaient devant le Coran والسنة إلى السنة ويقدمونهما أي للدفنسي ولا يستعملون القياس أي نتريزبا القياس عند الضرورة إلا عند الضرورة صف لسك يقال فوس ماجر حين لسك لا يوجد ونتربا كتاب ولا سنة ونتربا دليل القرآن من السنة في المسألة نزيل مسألة Alors il revenait maintenant vers le qiyas. On va s'arrêter ici. Je vous enjoins de réviser, parce que c'est très important ce qu'on a vu, et aussi mémoriser aussi le sens de fiqh chez les usuliyyin, chez les dans la sharia, et aussi chez les fuqaha. Ça va? Et ensuite, mémoriser les deux madrasas que nous avons cités. Madrasatu al-Ra'i. Le imam c'est qui? Abu Hanifa. Amma madrasatu al-Hadith. Le imam c'est qui? Al-Rasul wa sahaba. Hein? Et les sept imams de Médine, ainsi que Hassan al-Basri, Ibn Sirin, donc mémoriser ces matins, Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et la semaine prochaine, nous allons continuer. Je vous incite beaucoup à faire l'effort de venir participer à ces durus-là. Ce sont les durus. Pourquoi nous avons choisi le livre d'Ora Boubahia? Car c'est un livre qui traite le fait de façon contemporaine. Et aussi, il prend en compte les masaïs, les plus authentiques des masaïs. Et c'est dans le jugement selon ce qui est authentique. Donc ce qui fait que vous allez entendre souvent des choses dans ce livre que peut-être que vous n'avez jamais vu. Mais ce n'est pas les Toubouliyat. Hein? Toubouliyat. Vous connaissez Toubouliyat? C'est les masaïs qui font bruit là. Ça vient de Toubou. T'entends? Hein? Les masaïs, on vient avec ça et puis on dit, ça c'est pas soi. En même temps, les gens, ça fait du bruit à côté. Ce n'est pas les Toubouliyat. Mais c'est les masaïs. Le silence est là, la divergence est là, et puis il te donne ce qui est authentique. Ça va? Il te donne ce qui est authentique. Et je vous enjoins aussi de venir avec des cahiers de notes. Paul Ibrahim, d'ailleurs, il dit ça à quelqu'un. Ne sois pas comme ça. Hein? Il t'assoit des notes, même si c'est en français. Tu ne veux pas écrire en arabe? Donc, tu notes en français. Ça va? Tu notes en français. Ok? Tu veux écrire en arabe, tu notes en arabe. Qaidul ilm, c'est-à-dire attacher la science. Vous ne pensez pas que ça se fait. Sinon, si vous n'attachez pas, demain, vous allez dire, on a étudié Dural Bahia, mais bon, il a même parlé de deux madrasas, mais on ne sait pas d'abord c'est quel madrasa qui est. Allah Moussa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك